pour le prochain réveillon, dîner à la maison. Woo! Allez! À la fin, dans le gâteau, se cachera un anneau. Vous lui demanderez sa main, espérons qu'elle accepte. Cette idée est géniale, allez en plage 37. Ça fait un peu too much, direction plage 29.